Mais as-tu vu en fin de semaine la manifestation anti-testostérone? Non. Où ça? Parce qu'il y avait à Montréal un show retrouvaille pour les gars de testostérone. OK? Ah, l'émission à TQS, dans l'émission, le temps, là. L'émission okay. qui a pas tant levé, là, ouais. À TQS, là, avec Mike Ward, Marc Boilard, puis Jean-Michel Dufault. François Massicotte, Jean-Michel Dufault. Puis une belle avec des gros seins. Je me rappelle pas son nom, mais elle était tout le temps là, puis elle amenait de la bière. Elle était pas au retrouvaille, elle. Non? Non. Elle a peut-être mal vieilli. Je sais pas, peut-être. Ouais, elle a peut-être changé de domaine. Il y a des gens qui manifestaient contre cette gang-là. Une manifestation féministe enragée. Ah. Contre les blagues sexistes. Ah, les méchants garçons. OK. Il y avait une cinquantaine de personnes, dont des gars. Probablement traînés par leur bonne femme, ouais, en disant « Toi, tu viens, sinon tu vas encore en manger une. » C'est ça. C'est sûr que le gars qui suit sa blonde à la manifestation contre testostérone, là, il en manque un peu. Ses couilles là sont... absentes. Je suis pas sûr qu'elle ait un peu les sentir dans le sac. Là. Mais même un raisin sec est très fier à côté des couilles d'un gars qui se fait traîner par sa femme. Oui, ils sont pas là. C'est une poche d'air. Là. Faut que t'aies les boulons un peu... ou comme disait, c'est qui dit « C'est pas les mines les plus aiguisées. » Ah, des crayons, là? Ouais, c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. C'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte qui se présente à cette manif-là. Ça gagnera pas un prix Nobel cette année ou ça fera pas encore exploser la machine à cuire. Non. Puis pour l'humour, là, on s'entend-tu que là, en tout cas, surtout dans les publicités, l'humour est sexiste, mais envers les gars. Ben oui, mais écoute, ça c'est clair. Alors que, si on s'entend qu'on est sur un combat entre hommes-femmes qui est pas mal gagné, là. Comme en police. C'est la même affaire. On en parlait tantôt, c'est la même affaire. Là, bon, hein, les droits de la personne, puis c'est pas parce qu'elle mesure 4 pieds 8 puis qu'elle pèse 90 livres qu'elle a pas le droit d'essayer d'arrêter un gars gelé puis sous à 6 pieds 300 livres. Elle sortit d'un bar. Ouais. Finalement, c'est les doormen du bar qui sont obligés d'intervenir. Parce qu'elle shake en collant de l'aide dans son char les portes barrées. Parce là, qu'elle s'est fait arracher les lulus. C'est pas mais c'est juste pour montrer que gars, nous autres, okay, les hommes, les femmes, on est tous égaux puis on va vous prendre partout. C'est pas, à un moment donné, ça marche pas là. Est-ce que c'est la première d'une série de disons d'un renouveau féministe ultra disons ultra excité? Ça reste à voir. Ou est-ce que c'est les manifestations étudiantes qui font qu'on manifeste maintenant pour toutes les maudites niaiseries? C'est peut-être ça aussi. À force de chercher des causes, on finit par en trouver des un peu ridicules.